de conseiller au gouvernement soviétique de maintenir ce seuil, qui lui a dit « Vous n'avez pas d'argent, donc vous n'avez pas de problème. Hein » on voit comment... Oui, parce que c'est le problème à la rein, n'est-ce pas, hein, le principe d'optimisation, on n'a pas d'argent, donc on n'a pas de problème, puisque de toute façon, le détriment, on ne peut pas se protéger, donc le coût de la protection est nul, donc le détriment, ben, il faut le subir. Hein, c'est ça. Et on voit à quel point on a une espèce de confusion complète qui est entretenue par les gens qui ont intérêt à ce qu'on essaie on préserve au maximum l'image de l'énergie atomique. Oui, alors, sur cette question du Cora, évidemment, c'est toute une vie qui s'effondre, mais ce qu'il faut, je crois que ce discours sert justement, comme dit Yves. Là, les gens qui veulent éviter à tout prix, et moi je suis persuadée que le gouvernement japonais a décidé avec les experts internationaux qu'on n'évacuait pas la ville de Fukushima et de Koriyama parce que ça coûtait trop cher, et maintenant, et tout ça était possible parce que les gens n'avaient pas assez d'informations, ni sur les catastrophes de Tchernobyl. Ni sur, enfin bon, sur la radioprotection en général. Et maintenant, c'est très facile, mais on peut quand même comparer à la situation de crise comme la guerre ou des choses comme ça que moi j'estime que c'était une situation comme ça et que quand on est mère, même tout simplement humain qui respecte la vie, faire vivre un enfant ou femme enceinte dans la même condition que ceux-là, condition de travailleur nucléaire, mamie, cyber, si vous acceptez ça, c'est quand même, il y a un problème d'éthique et qu'on ne peut pas, il y a des moments où on ne peut pas parler que d'argent ou de je ne sais quoi, ou de politique, ou d'économie, et le Japon avait la possibilité peut-être qu'ils vont être encore plus pauvres, mais qu'un pays, de toute façon, qui ne se soucie pas de la vie de ses enfants, excuse-moi, ça n'a pas d'avenir. Donc voilà, c'est pour ça que là, ce discours, évidemment que l'être humain est, mais des diasporas juifs, etc., des enfants vont survivre. Bon, tant pis que des adultes qui vont tout perdre, leur attachement à leur vieux, ça y est, on a perdu, mais bon, ça s'est arrivé à beaucoup de gens, dans beaucoup d'endroits au Japon, ça y est. Ça a été très très rare, et jusqu'à maintenant, il y en a eu très peu, on n'a pas été envahis, etc. Mais voilà, ça c'est une situation comme ça. Moi, je fais cette analyse politique et historique. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation du Cora, ça sert vraiment et ça existe, mais il est vrai que des chercheurs et sûrement des écrivains vont décrire cet état de la souffrance, de déchirement. Mais il y a, mais évidemment, bon, vous êtes sociologue, mais moi je parle d'un point de vue de citoyen. Donc, moi, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, il y a des fois où il faut s'engager et puis dire des choses, dire des choses. Parce que sinon, comme ça s'est passé à Tchernobyl, c'est déjà commencé, il y a toutes les personnes qui arrivent faire le projet Ethos à Fukushima pour nier... il va y avoir beaucoup de maladies maintenant. Il y a déjà un cas de cancer, il va y avoir beaucoup de choses comme ça, mais ils vont tous se nier. Et ça va être comme ça. Et quand l'accident arrive en France, on va appliquer 20 millisieverts. Et voilà. Donc, je crois que, excuse-moi, parce que là, ce n'est pas un milieu, c'est un milieu académique, mais je voudrais simplement qu'il n'y a pas eu assez d'informations au niveau de citoyens pour pouvoir. Décider quoi faire. Enfin, sur cette, plus tard dans la semaine, jeudi, vendredi, samedi, je vais au colloque de la 4S, qui est le Society for the Social Studies of Science, et on va avoir une journée et demie de Fukushima. Paul y sera aussi. Et un des papiers, je fais la discussion sur une séance, et un des papiers que j'ai lu traite de cette question d'information. Et l'argument, j'ai trouvé assez intéressant, ça renvoie à des questions qu'ont posées Pascal et Laure. C'est l'argument que fait cette personne, c'est que cette question d'information est aussi soumise à des inégalités. C'est-à-dire qu'en fait, les gens dans les grandes villes, surtout Tokyo, les gens qui ont accès aux médias sociaux non traditionnels, ont accès aux informations, ont accès à beaucoup d'informations. Ceux qui n'ont pas accès aux informations, ce sont souvent les gens plus âgés, les gens qui n'ont pas d'ordinateur. Donc, il y a des inégalités sociales qui se reproduisent dans cette question de qu'est-ce que ça veut dire l'information et l'accès au savoir. Et ça recoupe tout à fait cette question qu'ils ont posée tous les deux sur les échelles de la domination, parce que je pense que, enfin, à tous ces niveaux, dans tous ces terrains, ce qu'on peut voir, mais là je vais parler un petit peu simplement du mien, c'est on voit en fait l'imbrication de plusieurs formes d'inégalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une forme, il y a le patrimoine, si on veut le dire comme ça, du colonialisme et de l'après-colonialisme, bien sûr, mais ça ne détermine pas tout. Il y a aussi les rapports géopolitiques qui changent, qui sont inégaux, mais pas toujours d'une manière prévisible. Il y a les infrastructures du savoir, des cultures, toutes ces choses-là. Donc, ce sont des inégalités qui se recoupent avec des fois des résultats qu'on ne peut pas toujours prédire. Et là, ça me renvoie en fait à cette question de l'Alara, cette philosophie, parce que c'est comme ça que le dit le CIPR, c'est une philosophie du risque. Donc c'est à eux de définir la philosophie, et puis c'est au pays et c'est aux autres de faire l'exécution. Donc dans cette philosophie de l'Alara, il y a imbriqué, et ça je le dis, j'explique un petit peu dans le livre, il y a imbriqué une présomption d'inégalité entre les différents pays, les différentes sociétés. C'est-à-dire que as low as reasonably achievable, le plus bas auquel on peut s'attendre de manière raisonnable. Ce qui est raisonnable dans un contexte n'est peut-être pas raisonnable dans un autre contexte. C'est-à-dire que ce qui est raisonnable aux États-Unis ou en France, où il y a quand même des structures de soins, etc., n'est peut-être pas, où il y a un certain niveau de salaire minimum, le SMIC, n'est peut-être pas forcément raisonnable en Afrique du Sud, ou au Gabon, ou au Niger, où les gens sont beaucoup plus pauvres, il y a moins d'emplois. L'Afrique du Sud maintenant atteint un niveau de chômage de 50%. Donc, est-ce qu'on va fermer une mine ou une partie d'une mine qui emploie 3000 personnes ou 10 000 personnes parce qu'on n'arrive pas à gérer le radon de manière à gérer la ventilation de manière où les niveaux de radon vont tomber en dessous du maximum précisé par le CIPR, etc. Est-ce qu'on va faire ça ou non? C'est aussi une autre façon de dire, et ça on en a parlé au CSO, je fais signe à David là, c'est une façon de dire aussi que la valeur de la vie humaine est quantifiable, mais pas la même dans les pays différents. C'est-à-dire qu'un Africain, un Sud-Africain, et même pas tous les Sud-Africains, mais un Sud-Africain d'un certain milieu, vaut moins que peut-être qu'un Français d'un autre milieu, mais pas tous les Français ne valent pas le même non plus, etc. Donc il y a cette monétisation de la vie qui est sous-entendue et aussi demandée, si vous voulez, je pense, par l'Alara. Et qui aussi, il y a aussi une autre chose dont on n'a pas tellement parlé, mais je pense que c'est important quand on pense à la spécificité du nucléaire. Et là, c'est et à la nucléarité, c'est cette question de temporalité. Parce que, bon, c'est pas, évidemment, ce n'est pas du tout le seul secteur où il y a un temps long entre les expositions et les maladies. Ça peut arriver dans les secteurs chimiques aussi, bien sûr, et d'autres secteurs. Mais l'amiante, bon, etc. Mais ce qui est peut-être... Enfin, là, je ne veux pas argumenter pour une spécificité objective qu'on peut, en tant que chercheur en sciences sociales, discerner par rapport à d'autres secteurs, etc. Mais par rapport à l'expérience, si vous voulez, des ouvriers qui enlèvent leur dosimètre, par exemple, la question de temporalité, c'est-à-dire que la maladie qui va peut-être venir, mais peut-être ne pas venir dans 20 ou 30 ans, se recoupe aussi au fait de le manque d'expérience sensorielle de la radioactivité. Ce qui est peut-être un petit peu différent des mines, par exemple, ou de certains secteurs chimiques où on sent l'odeur. Enfin, même dans le nucléaire, on peut sentir l'odeur. Enfin, je veux dire, quand je suis rentrée dans les mines, dans le centre, l'usine de traitement au Gabon, qui était où on traite l'uranium avec l'acide sulfurique, on entre là-dedans et on a une grande bouffée d'acide sulfurique. Ça, c'est très sensoriel, hein. Ça, c'est sans doute. Mais dans la chimie, non. Hein, mais, parce qu'on on a des produits qui sentent fort et qui ne sont pas très dangereux. Voilà, et des produits qui ne sentent rien du tout et qui sont extrêmement dangereux. Donc c'est pas... Non, c'est pas unique. C'est pas du tout unique au nucléaire. Et justement, c'est pour ça que... Où cette question de... Enfin, comment est-ce qu'on fait, en fait, le recoupement entre des questions culturelles, politiques, de nucléarité, l'expérience sensorielle, la notion du temps et de temporalité. Je pense que toutes ces choses-là peuvent s'imbriquer un petit peu. Et finalement, je vais dire deux choses. Une, c'est par rapport à ce qu'a dit Paul sur l'image de l'enfant. Pourquoi est-ce que l'enfant est l'image le plus fort? C'est bien sûr parce que l'enfant, c'est le symbole de la personne qui n'a pas le choix, qui subit. Et quelque part, ça revient à ces questions de choix que vous avez soulevées tous les deux. Quelque part, on pense que l'ouvrier, bon, il prend une décision, en tout cas. Même si la notion de choix n'a pas de sens, il prend une décision. L'enfant ne prend pas de décision. Mais pour en finir, la question de la dimension symbolique, la réparation d'un côté et la dimension symbolique de l'autre côté. D'abord, la question de lieu, ça, on le voit, je l'ai vu énormément quand j'ai fait du terrain en Australie et dans les terres Navajo. Où les questions de l'investissement dans l'histoire des lieux et la valeur culturelle et sociale d'un lieu particulier a énormément d'importance. C'est pas pour dire que ça n'a pas d'importance dans les endroits où j'ai regardé en Afrique, mais ça se présente autrement. Donc ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, la dimension symbolique de la réparation. Alors, ce que j'ai vu vraiment beaucoup en Namibie et au Gabon, surtout dans ces deux endroits-là, c'est que pour les travailleurs qui commençaient à penser aux réparations, à penser aux indemnisations, il ne s'agissait pas simplement d'une indemnisation monétaire. Et il ne s'agissait pas non plus simplement d'une indemnisation pour les maladies, pour le travail professionnel. Il y avait toute la question de l'histoire coloniale qui venait s'imbriquer dans leurs revendications. C'est-à-dire, ce qui est important pour eux aussi, c'est la reconnaissance d'une part des inégalités coloniaux, par exemple le rôle de l'Afrique du Sud, etc., et puis, d'autre part, de la déception des indépendances. C'est-à-dire que les indépendances, finalement, surtout au Gabon, avec l'état de Omar Bongo, les indépendances n'ont pas apporté les libertés qu'ils ont souhaitées. Donc, il fallait, quelque part, une reconnaissance de la persistance de la colonisation, des rapports inégaux par-dessus ces questions de maladies, etc. Donc, c'est, il demandait des comptes de l'histoire, en fait. C'est une différente façon de penser la chose. Je m'arrête. Il demandait aussi des comptes aux dirigeants post-coloniaux. Enfin des, voilà, absolument. De... absolument. Oui. Pierre ? Moi, j'avais des remarques un peu décalées par rapport à ça, pour revenir à une des questions que vous aviez posées sur la domination et la tentative de réflexion autour de la sous-traitance. Oui. Donc oui, je confirme bien qu'il y a une situation un peu à regarder de près autour de ce management bizarre que j'appelle le management de proximité, qui se trouve concerné là. Hein, pas forcément les grands managers dont on a dit tout à l'heure qui mettaient en avant la virilité, ceux qui sont au contact des vraies situations et qui se mettent parfois dans une demi-implication, dans un certain retrait. Donc, vous disiez que sur la question de la domination, dans laquelle je me retrouve d'ordinaire, je suis venu faire un peu de critique à moi-même, hein, ou à la tentation d'enfiler cet économiseur de pensée pour me dire finalement attention quand même. J'ai bien devant moi des manières d'approprier l'information, de négocier l'exposition au risque, de la résistance, de la connaissance des risques. Donc je pense qu'effectivement c'est extrêmement important, et de dire tiens, finalement ce management absent permet cette appropriation-là, laisse à disposition assez de place pour que les travailleurs mènent l'enquête. Quand ils se sont fait contaminer dans une situation qu'ils ne maîtrisaient pas, ils n'en sont pas ravis. Ils ne sont pas à considérer que la rate va bien. Hein. Ils sont bien à considérer que c'est le plus bas possible et pour de bon. Et donc, si on peut mener l'enquête, savoir un peu à qui on doit que les choses ne se soient pas passées comme elles auraient dû se passer, on va porter un petit peu loin cette investigation. Alors, ça pose la question de la sous-traitance, en disant, ben, voilà, là, on a des gens qui sont clairement dans l'incapacité de mener la fameuse enquête. Bon, moi, je pense qu'il y a un risque à penser ça. Bien sûr, j'ai travaillé sur des configurations particulières d'une situation de site industriel où il y a de la maintenance en continu, contrairement aux situations des réacteurs où on a de la maintenance occasionnelle, de la maintenance programmée. Pour des arrêts annuels ou pour des arrêts de décennaux. Donc c'est une situation un peu particulière. Mais j'ai aussi lu hein, quand même sur ce qui s'était écrit sur les situations type EDF où on a des choses qui sont pas si différentes que ça. Je crois que ces travailleurs cherchent bien à contrôler les situations dans lesquelles on les met, à essayer de contrôler ce point. Pourquoi c'est si important à penser et à ne pas surspécifier les sous-traitants? C'est parce que je crains bien, enfin j'en serais ravi hein, pour eux, que sans tarder on internalise les sous-traitants du nucléaire. Et qu'on dise bon bah ça va, c'est réglé. Parce que maintenant qu'ils sont internalisés, l'affaire est pliée. On peut d'autant plus le faire que désormais on a le droit de dire que le nucléaire peut coûter plus cher. Le pic oil est passé, les gaz à effet de serre, les énergies alternatives si coûteuses. Bref, on peut y aller, on peut dire, ben on va continuer le nucléaire, ça coûte un peu plus cher, donc on peut réinternaliser. Ben, puis l'ASN a obligé EDF, alors je ne sais pas si c'est effectif, mais à réduire à 3 les niveaux de sous-traitance après Fukushima. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on dit, bon, l'affaire est réglée par là? Oui, c'est ça. Ouais. Donc de ce point de vue, moi, j'alerte un peu sur ce point-là. La question de la sous-traitance, il faut aller la regarder vraiment en détail. Elle a plein de dimensions. Il ne suffit pas de l'internet pour résoudre le problème. Et je pense que pour une partie du problème, ça ne suffira pas. Et donc, il faut aller regarder de près. Quand je regarde les situations d'exposition, par exemple, qui sont les travailleurs du nucléaire les plus exposés en France? C'est seulement les sous-traitants et c'est les gens de Mellox. C'est des statutaires qui font sur la partie manipulation de l'oxyde d'uranium et du plutonium. Donc, il y a des statutaires et des sous-traitants qui sont exposés. Attention, les 20 millisieverts dont on parlait tout à l'heure, si j'ai bien vu sur un des sites de l'IRSN, on note qu'il y a un travailleur qui était concerné en 2011, hein, donc en France, qui était à 23 et quelques, 23,5. Donc, il faut vraiment se coltiner. Donc, c'était plutôt la logique que tu disais, 20 sur 2003, 2009, au Japon, bah, on doit être dans les mêmes eaux en France. donc des situations spécifiques. Mais pour dire, je crois qu'on a sur... On s'est fortement intéressé aux sous-traitants pour de bonnes raisons et pour de moins bonnes raisons parce que c'était relativement possible d'accéder à ces questions et de s'y intéresser. Mais n'arrêtons pas là l'analyse parce que je crois qu'on va faire une erreur. Mais si tu permets, est-ce que justement, parce que c'est un petit peu l'objet de la journée, je crois, est-ce que c'est pas là qu'on a une très forte spécificité, le being nucléaire, la nucléarité entre à plein, c'est-à-dire que contrairement, je sais pas, une centrale électrique qui marche au charbon, tu n'as pas les problèmes de... Tu n'as pas besoin de radioprotection. Là, tu n'as pas besoin de gérer une population ouvrière par la dose, comme dit... le management de proximité. Moi, j'accompagne une doctorante qui travaille sur le travail en raffinerie. Mm-hmm. Elle a des arrêts de tranche, ça s'appelle des arrêts programmés d'installation. Ouais. Mm-hmm. Elle a des travailleurs qui circulent dans toute la France de raffinerie en raffinerie. Il n'y en a pas 58, mais il y en a un certain nombre. Et elle a des situations qui sont très ressemblantes d'exposition au CMR qui font que... Tu ne gères pas la population ouvrière par la dose. Alors, qu'est-ce qu'on gère par la dose? Regardons précisément ces points. Et on voit, ça a été dit, des gens qui ont des carrières longues dans la sous-traitance. Tu ne sais pas si c'est EDF. C'est chinois, là. Je ne ferai pas encore beaucoup le cas. Je sais. Donc, la gestion par la dose, il faut la regarder, y compris pour les travailleurs statutaires qui sont mis au vert. Et que ça ne fait pas rire du tout de se retrouver au vert. Donc, parce que le boulot est moins intéressant, parce qu'ils vont faire des choses qu'ils n'aiment pas faire, parce qu'ils vont être à l'écart du collectif, etc. Donc, ces questions se regardent. Et d'autre part, on a des grands permanents dans la sous-traitance du nucléaire. Les 30 ans de maison dans la sous-traitance, c'est un marcoul, mais c'est sur d'autres, y compris sur les mobiles, sur ceux qui... les nomades, les trimardeurs, etc., tous les noms qu'on a donnés. Donc, même là, je ne suis pas convaincu. Je veux dire, il y a plusieurs sous-traitances. Déjà, il faut vraiment distinguer ça. La gestion par la dose, telle que Valraff la montre dans son ouvrage, elle existe. C'est-à-dire, on prend une personne, on la fait bosser sur un chantier, et puis il disparaît. Mais celle-là, elle n'est pas encadrée, elle est en pure illégalité, elle est vraiment... Elle doit sûrement se rencontrer. Je pense qu'elle n'est pas très, très, très importante. Elle est quand même un petit peu cadrée. Donc, il faut veiller à ce qu'elle soit limitée. J'aimerais bien savoir, d'ailleurs, pourquoi Valraff a supprimé cette info. Le film n'est plus visible sur les sites. Bon, je ne sais pas. Je pense qu'il y a dû y avoir des attaques sur ce point précis. Mais voilà, on a plusieurs sous-traitances et je pense qu'on gagne vraiment à prendre le temps de détailler ça. Il y a deux questions, madame. Non, moi, c'est pas une question, c'est simplement pour dire que la sous-traitance, moi, j'ai bien compris, c'était pas un problème, d'hier, ou plutôt d'avant-hier. Simplement, quand même, c'est intéressant de savoir que les Assises nationales des risques technologiques, donc la 5e édition, s'est tenue la semaine dernière, à Douai. Et notamment, il y avait dans le public pas mal de... Enfin, c'était surtout d'ailleurs des syndiqués, du personnel société civile qui se sont exprimés notamment sur la sous-traitance. Alors, ça a tellement fait une espèce de buzz que ça va être repris dans 2 ans, donc, parce que les assises des risques technologiques se déroulent depuis 2 ans. Et donc, dans 2 ans, on aura a priori presque au moins un atelier, si ce n'est pas une table ronde, ou une table ronde à un atelier, en tout cas sur la sous-traitance, et qui risque même d'occuper vraiment un gros poids. Voilà, je voulais vous dire. Parce que, quand même, 900 participants, une grosse présidence. En plus, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait la première table ronde était sur la conjonction donc risque technologique et risque nucléaire. Et l'après-midi, retour sur les facteurs humains, enfin, ou plutôt facteurs humains, il faut que je lise tout, humains, organisationnels et sociaux, je ne sais pas si je dis dans le bon ordre. Donc, voilà. Donc, pour information, ce sont de toute façon des séances qui sont enregistrées et vous avez tous les actes qui sont sur Internet. Donc, par exemple, vous pouvez trouver ceux de 2011. Alors, il y a toujours une intervention phare, un peu, moi j'appelle ça poil à gratter, de Patrick Lagadec, donc qui a encore été une poil à gratter cette fois-ci. Donc voilà, je vous le signale, c'est intéressant de savoir un peu comment les politiques, puis les collectivités territoriales qui sont là, les administrations, en fait, s'emparent aussi les travaux des sociologues, parce qu'on voit quand même qu'il y a des concepts sociologiques qui sont plus ou moins repris, digérés, ou mis à la sauce, je dirais, entre guillemets, des praticiens, pour faire large. Je pense que vous devez connaître le cas de l'association Santé et Puissance de Philippe Billard, qui a été donc à Pondy. Et il a, comme il était syndicaliste, il a eu une discrimination syndicale. Mm-hmm. Donc il est sous-traitant, il appartient à, maintenant, on le fait travailler dans la chimie, et lui, il demande de d'intégrer la centrale nucléaire, parce qu'il dit, si jamais ça se déclenche, la référence, c'est le dernier emploi. Donc il ne pourra pas prouver qu'il a été, irradié. Et moi, je le trouve vraiment très seul et il a du mal à trouver des gens qui témoignent, parce qu'il y a une pression tellement forte dans ce milieu-là. Donc je voulais savoir, parce qu'au Japon, ils ont quand même réussi à faire quelques procès contre les compagnies électriques, et on ne gagne pas beaucoup, mais obtenu par exemple pour la leucémie avec 5 millisieverts seulement. Je ne vois pas tellement d'avocats qui s'engagent, par exemple, en France. Je veux bien dire. Il y a une question. Attends, on finit les questions, peut-être. Oui, c'était une remarque que je voulais faire. Je vais m'en aller. Est-ce qu'il n'y a pas lien à faire entre une partie des choses qui ont été dites à propos du nucléaire et l'attitude courante et habituelle, au-delà du nucléaire dans toute l'industrie, des services des inspections classées en France, qui ont été confiés à partir de 1968 au service des mines, dont on sait qu'il a joué un rôle très important dans la mise en place et, je dirais, tout le suivi du secteur nucléaire en France. Alors, on constate deux choses, moi, qui me frappent dans le comportement de ces organismes. Le fait d'avoir confié aux mines en 1968, de suivre ça, ça a sans doute été un progrès par rapport à l'inorganisation précédente, mais ça a sans doute contribué à ossifier un petit peu, ou même plus qu'un peu, les attitudes à travers deux choses. D'abord, la tolérance, la répugne, le fait que cette administration répugne à mettre en cause, en fait, l'activité industrielle. Il y a une culture de la tolérance qui peut-être est alliée au fait que, par rapport ce qu'on peut savoir dans l'échelle des risques, le nucléaire, il était connu comme risque important depuis longtemps. D'autres risques, peut-être moins, mais il y a une sorte de sous-évaluation des risques et une volonté de ne pas mettre en difficulté l'industrie, de ne pas poser les problèmes. Et deuxièmement, il y a une deuxième chose qu'on note, c'est la réticence de ces services à communiquer l'information. Et même si juridiquement, l'information peut être communiquée, les informations de pollution ordinaire qui sont collectées dans le cadre de l'autosurveillance par les entreprises, que les entreprises peuvent communiquer au public et qui sont difficiles à obtenir. Et en gros, c'est une situation relativement tolérée par ces services. Alors je signale que moi, j'ai travaillé pas au-delà de 1990, pendant toute la période entre 1970 et 1990, qui sont justement les périodes où c'est, dans les années 70, développé formidablement le secteur nucléaire français, et puis dans les années 80, ben, ça poursuit sur la lancée. Ben, c'était l'association d'un domaine sur lequel je n'ai pas travaillé, qui est le secteur nucléaire, un domaine sur lequel j'ai travaillé, qui sont les autres industries par rapport à prise en compte des problèmes de pollution, des risques environnementaux. Ma question est... Hein? Ah, pardon. Non, je croyais que vous étiez un spectateur. Ah non. Pierre, oui, tu voulais faire je veux bien réagir au moins à la première remarque. Donc oui, c'était déjà pour corriger une éventuelle erreur. Je n'ai pas fait l'apologie de la sous-traitance dans le nucléaire, au moins. Hein, parce que j'ai juste dit que bon, ça serait bien mieux qu'ils soient réintégrés. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas une bonne idée de les intégrer. C'est juste pour dire que peut-être que ça ne suffira pas. Deux, on a des occasions dans l'histoire où on a vu des intégrations. C'est-à-dire, en 1978, on a, sur les sites CEA, l'intégration de ce qu'on a appelé les régiels. C'était une forme de prêt de main-d'œuvre qui était assurée par des entreprises. Il y avait un interdit sur l'embauche au CEA après 69, après la guerre des filières. C'était une affaire qui compliquait fortement la vie des centres. Donc, ils ont recruté de la main-d'œuvre de façon indirecte en sollicitant des entreprises sous-traitantes. Et les syndicats ont obtenu une intégration de régiels qui est conséquente. Hein. En 1978, et puis en 1982-83, on a eu à peu près la même chose avec les contrats solidarité du gouvernement Mauroy, où on a eu des gens, il fallait qu'on prenne des travailleurs à la NPE en échange de départ en retraite de salariés des centres, et donc on a vu des gens quitter les boîtes de sous-traitance pour se mettre à la NPE l'espace d'une semaine pour pouvoir être embauchés comme... la NPE dans le nucléaire, venant de la NPE dans le nucléaire, et on a eu une intégration d'un grand nombre de gens qui étaient dans des boîtes de sous-traitance. Donc ça, c'est déjà fait, il faut regarder un petit peu ce point. Peut-être un élément de réponse sur le corps des mines et les installations classées. Oui, donc cette question de la collusion est intéressante. Mais sur la rétention d'informations, moi, je suis toujours ennuyé, hein, parce que je trouve qu'il faut chaque fois épaissir cette question autour de... Il y a pléthore d'informations. Les CLI, les commissions locales d'information, sont plutôt noyées d'informations. Et puis on dit, ouais, mais on aimerait en savoir plus. Oui, mais on aimerait surtout qu'elle soit structurée, cette information, qu'on la comprenne, qu'on la maîtrise, qu'on puisse rentrer dans des formes de discussion, voilà, mais plutôt que l'absence d'information. Donc, à mon avis, hein, faut regarder ça de plus près.